Grand 6, ceux d'en bas. Premièrement, les ouvriers. Les affaires, a dit un humoriste du socialisme en corrigeant un mot célèbre, les affaires, c'est le travail des autres. Cette formule n'est juste qu'à moitié pour les États-Unis, où les millionnaires s'écrasent eux-mêmes de besogne, tout autant que les plus opprimés manœuvrent de leur chemin de fer ou de leur mine. Elle a ceci d'exact que la mise en train des grandes affaires suppose comme élément premier le travail de l'homme de peine. Derrière le capitaliste, si intelligent soit-il, si actif, si entreprenant, il y a l'ouvrier. Étant donné que l'Amérique est par excellence une démocratie, c'est même ce personnage-là qui constitue son assise fondamentale. Si la civilisation de ce pays doit changer de nouveau, comme elle en donne souvent l'impression, c'est par l'ouvrier qu'elle changera, comme la France de 89, qui reposait au fond sur le paysan, a été changée par le paysan. De temps à autre, des grèves qui partout ailleurs s'appelleraient des guerres civiles semblent présager un de ces duels de classes, dont l'issue n'est jamais douteuse. Les plus malheureux, depuis qu'il y a des barbares et des civilisés, ont toujours vaincu les plus heureux, quand on est venu à la bataille. D'autres fois, et hors de ces instants de crise suraiguë, vous causez avec quelques-uns de ces ouvriers. Vous les trouvez si évidemment heureux de leur travail, l'exécutant si bien, avec une belle indépendance de libres citoyens sur leur rude figure. Ils ont si visiblement le calme de l'énergie. Parmi le va-et-vient des pistons, le sifflement des courroies de cuir, le ronflement de la vapeur, le halètement des volants. La dépense de force personnelle est pour eux si intelligemment ménagée, si sûrement appuyée par l'aide mécanique. Vous savez, d'autre part, que les gages sont très supérieurs à ceux d'Europe. 1,5 $ par jour, 2 $, 2,5 $, 3 $. Vous connaissez quelle société de prévoyance entoure l'activité de ces gens. Ces sociétés sont si nombreuses, si complètes, prêtes à soutenir le travailleur et les siens dans tant de circonstances, depuis le chômage jusqu'à la mort. Grâce à une de ces sociétés, l'homme a sa maison à lui. Grâce à des fondations de toutes sortes, l'éducation de ses enfants est assurée. L'impôt du sang, ce monstrueux abus de notre civilisation, lui a été épargné, et il est épargné à ses fils. Vous en revenez à cette idée qui a déterminé tant d'émigrants à tout quitter, que l'Amérique est le paradis du prolétaire. Comment concilier deux points de vue fondés l'un et l'autre sur des faits indiscutables, quoique si radicalement contradictoires? Vous feuilletez des publications faites par des ouvriers, et pour des ouvriers. La même contradiction apparaît. Plus saisissante encore. Vous lisez dans le programme d'une des associations, qui passe pour les plus avancées, des phrases comme celle-ci. « Calling upon God to witness the rectitude of our intentions. » Nous en appelons à Dieu pour qu'il reconnaisse la rectitude de nos intentions. Une espèce d'hymne en l'honneur de la journée de 8 heures se termine par ce vers. « 8 hours for work, 8 hours for rest, 8 hours for what we will. » 8 heures pour travailler, 8 pour nous reposer, 8 heures pour notre libre fantaisie. Mais vous y relevez 3 fois le nom de Dieu et 3 fois le « is » appliqué à lui avec une grande lettre. Vous en concluez que le désir naturel des réformes bienfaisantes s'associe chez l'ouvrier américain à un profond instinct religieux. Et vous jugez que ce trait correspond bien à la logique du caractère national. Du moment que la volonté est la pièce maîtresse de ce caractère, le sentiment le plus développé doit être celui de la responsabilité. Et la vie religieuse en est la condition naturelle. Vous ouvrez un autre journal, destiné lui aux ouvriers, et que l'on vous a indiqué comme typique. Vous y rencontrez avec stupeur des déclarations de ce goût. Le paradis est un rêve inventé par des voleurs qui veulent cacher leur brigandage à leurs victimes. Quand le travailleur comprendra que l'autre monde, dont on lui parle sans cesse, est un mirage, il frappera aux portes des voleurs riches, un fusil à la main, et il demandera sa part des biens de cette vie, dès à présent. Religion, autorité, État, une même pièce de bois, a servi à tailler ses idoles. Nous les briserons toutes. Que penser d'une classe sociale sur laquelle des documents aussi opposés sont également vrais? C'est là un problème de psychologie trop complexe pour que je prétende l'avoir résolu. J'entrevois du moins une supposition qui permettrait de comprendre la coexistence, dans le prolétariat américain, d'idées si antithétiques. Des études prolongées sur place, des visites d'usines, la lecture de plusieurs rapports officiels sur la question du travail, des promenades à travers de nombreux logements d'ouvriers, des entretiens avec des personnes plus spécialement compétentes se sont résumés pour moi dans cette hypothèse. Je donnerai parmi les notes prises au cours d'une enquête trop courte encore, celle-là seulement qui se raccorde au ton familier de ce journal de route, lequel n'a pas l'ambition d'être un traité d'économie politique. Deux conversations avec deux des hommes qui ont le plus efficacement pensé aux problèmes de l'avenir social en Amérique, son éminence le cardinal G. Bones et le monseigneur Argyland, m'ont semblé résumer, avec une autorité et une netteté supérieures, le point de vue optimiste sur cet avenir. Quoiqu'elles aient eu lieu à quelques semaines de distance, je les transcris bout à bout, tant elles se complètent l'une l'autre. Tout le monde en France connaît aujourd'hui le nom de ces deux grands prélats, grâce aux travaux de M. de Meaux et de M. Max Leclerc, grâce aussi à la belle traduction que M. l'abbé Klein a donnée de quelques discours prononcés par l'archevêque de Saint-Paul. Ces deux archevêques ont été les artisans très actifs de cette propagande catholique aux États-Unis, dont j'ai déjà parlé. Mais des chiffres permettent de la mesurer plus exactement. Au commencement de ce siècle, les catholiques américains étaient au nombre de 25 000. Un évêque et 30 prêtres environ suffisaient pour le service des âmes. Ces mêmes catholiques américains comptent aujourd'hui près de 10 millions de fidèles. Ils ont 90 évêques, de 8 à 9 000 prêtres. Leurs églises et leurs séminaires se multiplient. Ils ont fondé aux portes de Washington une université qui assure à leur enseignement toutes les suprématies de la science la plus moderne. Monseigneur Keynes la gouverne. C'est une des grandes figures encore de ce haut clergé que ce recteur au masque vigoureux d'homme d'action, à la voix vibrante, aux gestes presque durs par moments, aux yeux de flamme. « Tout ce que nous avons fait, me disait-il, nous l'avons fait par la liberté. Nous n'avons pas de rapports avec l'État, et nous nous en trouvons très bien. Nous sommes payés par les fidèles, et nous aimons cela. S'ils estiment que nous sommes trop sévères, m'ajoutait-il, et s'ils veulent nous le faire sentir, nous le supportons sans peine, car nous aimons cela aussi, nous passer de luxe et de représentation. Quand j'étais évêque de Richmond, j'avais un diocèse bien pauvre. J'habitais deux petites chambres, et j'étais heureux. Ce que nous n'aimons pas, c'est que les ministres de l'Église aient un train de prince, qu'ils forment une noblesse. Ces vanités ne conviennent pas aux disciples du divin maître. Ces sentiments expliquent mieux qu'aucun commentaire pourquoi ce clergé a conquis une place contre laquelle ne prévaudront pas les efforts des fanatiques d'intolérance, comme les APA. On appelle ainsi une ligue anticatholique récemment formée, et qui s'intitule elle-même American Protestant Association. Ceux qui la composent haïssent l'Église de cette étrange haine. Trop commune chez nous. Ils ont bien compris qu'il fallait l'attaquer aux États-Unis, sur le terrain même de la liberté. Sur ce point encore, ils ressemblent aux radicaux de notre pays, auxquels la franc-maçonnerie les rattache peut-être par une complicité clandestine. Leur programme consiste à représenter le catholicisme comme incompatible avec les vrais devoirs du citoyen américain. Il s'appelle cet article de la loi de naturalisation l'entier renoncement à toute fidélité envers tout souverain étranger. Ils ajoutent, les catholiques ne se proclament-ils pas eux-mêmes dépendants du pape qui réside à Rome? Ni la dangereuse équivoque de ce raisonnement, qui affecte de confondre le monde spirituel et le monde temporel, ni la diffusion par milliers de faux documents où les noms vénérés des archevêques de Baltimore et de Saint-Paul figuraient en bas d'instructions secrètes, rédigé avec la plus habile perfidie, ni le savant appel à l'antique hostilité contre le papisme, si vivant au cœur des descendants des puritains. Aucune manœuvre, enfin, n'a pu lutter contre l'évidente ardeur d'énergie civique déployée par cet épiscopat véritablement vivant. Pas un de ces prélats ne laisse passer une occasion de servir le peuple, de se montrer un homme de son temps et de son pays. Quand l'Association des Chevaliers du Travail fut menacée à Rome, le cardinal Gibbons et Mgr Argyland n'hésitèrent pas à se rendre là-bas pour la défendre. Quand les organisateurs de l'exposition eurent l'idée d'ouvrir à Chicago ce congrès des religions qui demeurera, malgré de regrettables charlatanismes de détail, un des nobles symboles de notre époque, le même cardinal Gibbons accepta de l'ouvrir par une prière solennelle. En toutes circonstances, leur cœur bat à l'unisson du cœur de la nation. Ils n'y ont pas de mérite. La Constitution ne leur permet-elle pas de pratiquer leur foi sans entrave, de s'associer et de posséder sans contrôle, de fonder des œuvres sans tracasserie et d'assurer le recrutement de leurs clergés sans chicane? Que demander d'autre? Et comme tous les catholiques de France accepteraient avec enthousiasme la suppression du concordat avec celle du budget des cultes, sous de telles garanties? Et puis ce clergé des États-Unis est réellement intimement américain. Les traits qui distinguent cette forte race et que je marquais à propos de la société, comme à propos des affaires, se retrouvent dans ses évêques et dans ses prêtres avec une égale intensité. Ils ont le réalisme d'abord, la forte vision positive du fait. Lisez les deux volumes où le cardinal a résumé, pour ses compatriotes, le dogme catholique, et en particulier les pages relatives au divorce. Ils ont la vigueur hardie de l'espérance et l'amplitude énorme du projet. Écoutez l'archevêque de Saint-Paul s'écrier « Nous avons une opportunité admirable. Dans 100 ans, l'Amérique aura 400 millions d'habitants. Notre œuvre, c'est de rendre cette Amérique entière catholique. » Ils ont par-dessus tout la grande vertu nationale, la volonté. Notre devise, s'écriait encore l'un d'eux, c'est oser et faire. Sommes-nous assez loin du prêtre fonctionnaire que l'État emmaillote en le protégeant, loin des lois restrictives qui empêchent les ordres religieux de posséder, les fabriques de s'administrer, le clergé de se recruter librement? Il y a des années de cela, je me trouvais dîner à la même table que Gambetta. C'était au lendemain de la guerre et le chef de l'opportunisme parlait du programme qu'il appliquerait, si jamais il arrivait au pouvoir. « Et la séparation de l'Église et de l'État, » dit un des convives. « Nous nous en garderons bien, » répondit vivement celui que ses intimes appelaient alors le tigre. « Il faudrait donner la liberté à l'Église, mais elle serait trop forte. » C'est ici que j'ai bien compris la portée de ce mot, tombé dans mon souvenir de tout jeune homme. Gambetta était, en le prononçant, dans la vraie tradition jacobine et césarienne. Que cet habile homme d'État, le seul qui ait produit chez nous la révolution de 1870, pensa ainsi, démontre mieux que des pages et des pages combien peut différer la traduction de ce même mot, la démocratie, en fait, en loi et en mœurs. Une constitution n'est rien que par les gens qui la pratiquent. La mémoire a de ses caprices. En allant par un jour froid d'hiver de Washington à Baltimore, où je devais voir Mgr Gibbons, c'est l'image de l'ancien dictateur de Tours qui m'obsédait. À cause de cette parole jaillie de sa bouche éloquente, entre deux bouffées d'un cigare très noir, dans la salle à manger d'un petit rez-de-chaussée de la rue Linné. Je me demandais ce que serait devenue la France si cet orateur, si intelligent, si capable d'adaptation, avait fait ce voyage d'Amérique, et s'il avait vu par lui-même ce que l'Église représente encore aujourd'hui de fécondité démocratique et de large enseignement populaire, lorsqu'elle est libre. Et puis une autre image s'imposait à ma rêverie, étrangement différente, celle du malheureux et subtil Edgar Poe, qui écrivit son corbeau, voici un demi-siècle, dans cette capitale du Maryland, que je vois dresser ses maisons là-bas. Quoique le génie de ce poète soit gâté aujourd'hui pour moi par son terrible abus de l'artificiel, par le montage comme mécanique de toutes ses idées, la nature de sa sensibilité me touche encore, et surtout le malheur de sa destinée. Je songe au mystère toujours renouvelé de la formation des âmes, celle du poète à trouver son principe de désespoir et de dégradation dans cette société, où celle du prêtre que je vais rencontrer tout à l'heure s'est épanouie pleinement. La spiritualité de l'une a causé son agonie, la spiritualité de l'autre a causé sa force, dans le même cadre de la même civilisation. Cependant, à regarder le premier aspect blanc de Baltimore et à marcher le long de ses trottoirs, j'éprouve qu'elle est bien de toutes les villes américaines la plus faite pour y promener des songes de poésie. La rue Charles que je suis ainsi, un peu étroite et serrée, entre ses maisons claires et pas trop hautes, dégage un charme d'intimité. Il y a un peu de silence autour du square où s'élève le monument de Washington, et elle me rappelle l'élégante place Stanislas à Nancy. J'ai l'impression si rare ici d'un coin de ville qui a duré et qui durera. Ce décor moins momentané, moins violent et plus délicat, s'harmonise avec mon attente, avec cette approche du primat d'Amérique telle que les prêtres de l'Université de Washington me l'ont dépeint. Encore quelques pas sur la chaussée paisible de cette rue sans tramways électriques et sans cars à câbles, et me voici devant un palais du même style simple que les autres maisons environnantes. La coupole d'une église le domine, c'est la demeure du cardinal. Son éminence me reçoit dans un salon sans faste, que décorent des portraits de prélats célèbres. Ceux de Léon XIII et du cardinal Manning sont en gravure et posés sur des chevalets. Physiologiquement, Mgr Gibbons est de la race de ses ascètes chez lesquels il semble que les mortifications aient laissé juste assez de chair pour suffire au travail de l'âme. Quoiqu'il ait 60 ans passés, il en paraît 50 à peine, et il est droit dans sa mince et souple taille. Je l'avais entrevu l'autre jour à Washington, dans une des tribunes du Congrès, n'ayant comme un signe de sa dignité qu'une calotte de pourpre sur le derrière de sa tête. Aujourd'hui, dans sa maison, il porte la soutane noire à liseré rouge. Une soutane irréprochablement tenue, mais qui n'est plus toute neuve, et d'où passent ses pieds chaussés de bottines à élastique et fortes semelles. La simplicité est partout empreinte autour de cet homme de prière et d'action, sur lui et autour de lui. Les mains sortent du drap sans linge, maigres et fines. Le visage, à la fois très réfléchi et très calme, est comme creusé en long, avec un nez un peu fort. La lèvre supérieure avance, immobile, comme celle du portrait d'Érasme au Louvre. C'est une bouche d'écrivain et de diplomate plus que d'orateur. L'expression est ailleurs, dans l'arrière-pli profond de la joue et dans les yeux, d'un bleu clair sur ce visage presque gris. Ses yeux regardent d'un regard admirable, très doux et très ferme, très lucide et très droit, un regard de certitude. Les psychologues modernes ont un mot assez bizarre mais très précis pour désigner ces caractères, où toutes les puissances se subordonnent à une énergie centrale, à une foi scientifique ou artistique, politique ou religieuse, acceptée sans hésitation et sans retour. Ils les appellent des unifiés. Sénèque disait déjà, devançant par une de ses trouvailles de grands moralistes nos théories modernes de l'esprit, « Si vous avez rencontré un homme, vous avez vu une grande chose. » Une disposition intérieure ne suffit pas à composer un tel équilibre. Il y faut un accord très rare des circonstances et de l'instinct, du milieu et de l'impulsion innée. Cette rencontre s'est produite pour le cardinal d'une manière singulièrement exceptionnelle. Me parlant de sa vie, il me raconte, avec la reconnaissance émue d'un croyant, qu'il reconnaît l'action de la Providence derrière la figure de ce monde qui passe. J'ai eu un bonheur peu commun. Je suis né ici, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, et j'ai été ordonné prêtre dans cette même cathédrale, dont je suis aujourd'hui l'archevêque. Et il continue me racontant sa première visite à Rome, alors qu'il siégeait au Concile du Vatican, le plus jeune de 1000 prélats réunis dans cette assemblée. Il était évêque de la Caroline du Sud et prêtre depuis 5 ans à peine. À cette époque, il y avait 45 évêques, seulement dans tous les États-Unis. « Je me les rappelle, » continue-t-il, « arrivant ici à la première assemblée de Baltimore, quand j'étais chancelier de l'archevêque, ils sont plus du double aujourd'hui. Il en est de cela comme des conversions. » On les comptait alors. Cette année, j'en ai eu 700, bien que dans ce diocèse qui est très petit, « the human soul needs food », ajoute-t-il en anglais. L'âme humaine a besoin de nourriture, et elle ne la trouve complète cette nourriture que dans le catholicisme. Il parle un français très pur, en cherchant un peu ses mots. On sent à l'entendre que sa parole ne doit jamais jeter un trait vif éclat. Mais cette parole est si exempte de déclamation, cet esprit si visiblement au service d'une conscience éprise de vérité, un si constant effort se révèle à chaque phrase pour égaler l'expression à la pensée sans surcharge et sans faiblesse, qu'une autorité irrésistible en émane. C'est le même qu'annonçait cette physionomie, douce, ferme et sûre. Tout naturellement, lorsqu'il aborde le terrain des problèmes sociaux, Mgr Gibbons quitte le français pour l'anglais. Il semble que nous devions employer un langage étranger avec d'autant plus de facilité quand nous avons à communiquer des idées qui nous sont très familières. Il n'en est rien. Plus nous avons pensé à un sujet, plus nos conceptions très précises exigent la précision de l'idiome qui nous a servi à les former. Peut-être faut-il chercher là une des raisons pour lesquelles tant d'hommes supérieurs éprouvent une difficulté singulière à manier des langues qu'ils connaissent et qu'ils lisent parfaitement. Je n'ai jamais eu d'influence sur la création ni sur l'organisation des chevaliers du travail, répond le cardinal à une de mes demandes. Ce que j'ai dit à leur sujet lors de mon voyage à Rome, c'est que l'Église n'a aucun motif pour condamner du coup, et en principe, toutes les associations de travailleurs. J'ai toujours pensé, et je continue de penser, que les ouvriers ont le droit de s'associer pour se protéger contre la tyrannie possible de ceux qui les emploient. Je connais les dangers de ces associations, les grèves d'abord. Une fois réunis, ils sont tentés si vite de se lancer sur cette voie qui n'est pas bonne et où ils ont toujours été brisés. L'intolérance ensuite et la persécution à l'égard de leurs camarades qui refusent de se joindre à eux. Malgré ces dangers, j'ai cru que l'Église risquerait de perdre trop d'âmes en forçant des milliers de ces hommes à choisir entre leur foi et une société dont les principes n'avaient par eux-mêmes rien de condamnable. Une révolution aux États-Unis ? Répond-il sur une autre de mes questions. Non, je ne la crois pas possible. Les Américains, on le leur a souvent reproché, sont d'abord et surtout des hommes pratiques. Avant de déposséder d'un dollar un millionnaire, un billionnaire si vous voulez, il reconnaîtrait qu'il touche à la pierre d'angle de tout l'édifice, et il s'arrêterait. Nos ouvriers sont très intelligents, d'une intelligence très hardie, mais très juste. Elle leur sert à voir la logique des idées. Ils comprennent, malgré les sophismes des agitateurs, que toucher à une seule propriété, c'est toucher à toutes les propriétés. Aussi, vous l'avez vu, quand les anarchistes ont été condamnés à Chicago, le sentiment public, manifesté presque aussitôt après, par un vote dans une élection, a été en faveur du juge, auteur de l'arrêt et contre le gouverneur de l'Illinois, qui avait montré de la sympathie aux condamnés. Nous n'avons pas chez nous les ferments de révolution qui rongent l'Europe. Nos ouvriers, quand ils veulent travailler, gagnent largement de quoi vivre. 2-3 dollars par jour. Ils arriveront à ne travailler partout que 8 heures. Et puis, ils ne sont pas irreligieux. Il n'y a pas d'exemple, qu'un homme public se soit présenté comme athée, et sur mon observation, que j'avais pourtant rencontrée à l'université de Harvard, un grand nombre d'esprits pénétrés d'agnosticisme, c'est vrai, continue-t-il, qu'un mouvement de ce genre est reconnaissable dans certains groupes très cultivés, mais il est circonscrit à ces groupes, et le christianisme demeure très vivant dans les mœurs privées et publiques. On ouvre le congrès par des prières. Le président ne s'adresserait pas au peuple sans prononcer le nom de Dieu. Le repos du dimanche est fidèlement observé. Il y a dans la voix de l'archevêque une fermeté passionnée et dans ses prunelles une lueur plus chaude lorsqu'il parle des choses de la religion. Et lui aussi, comme Monseigneur Keane, il me vante les bienfaits de la liberté. Notre grande force est de n'avoir aucun rapport avec l'État et qu'il respecte notre indépendance. Nous pouvons nous mêler aux affaires publiques avec plus d'efficacité, dans ces conditions et pour le bien de tous. L'État nous aide complaisamment lorsqu'il s'agit de police. À Baltimore, par exemple, lors du dernier concile, l'administration des postes avait établi un bureau spécial pour le service des évêques. Mais en dehors des petits détails de cet ordre, l'État ne s'occupe pas de nous. C'est le public qui s'en occupe. On vient sans cesse nous consulter. Ainsi, dernièrement, dans cette affaire de la loterie de la Louisiane, qui ruinait tant de pauvres gens, on m'a prié d'écrire une lettre destinée aux journaux. Je l'ai écrite, et je crois qu'elle a contribué à faire cesser ce scandale. Le peuple nous aime, parce que nous sommes avec lui. Et comme je l'interromps pour lui demander s'il en est de même des riches, et si, d'autre part, il ne prévoit pas de grosses difficultés avec ses accumulations d'énormes fortunes dans un si petit nombre de mains, « Oui, répond-il, c'est un grave problème. Il faut espérer qu'avec le temps, on trouvera un meilleur moyen de répartir la richesse commune. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure ma sympathie envers les associations par lesquelles l'ouvrier se défend. Et je n'ai pas peur d'elles, malgré de bien redoutables excès qu'elles ont produits, parce que notre ouvrier, je ne saurais trop vous le répéter, est profondément, foncièrement sage. D'abord, il a lui-même des chances de devenir ce millionnaire qu'il envie. Cela s'est vu et souvent. En outre, et même sans cette espérance, il est libéral et il est juste par instinct. Lorsqu'on a proposé un impôt sur la fortune personnelle, j'ai eu l'occasion d'en causer avec beaucoup de gens du peuple. Je les ai tous trouvés contraires à cette mesure, et tous pour la même raison. Ils n'approuvaient pas un projet qui poussait à l'espionnage et au mensonge. Ils le jugeaient inquisitorial et immoral. Oui, j'ai confiance dans ce peuple, et j'ai confiance dans son amour de la vérité. J'en ai la preuve trop évidente. Lorsque j'ai publié, voici quelques années, un petit livre pour montrer le catholicisme tel qu'il est, sous ce titre « La foi de nos pères », il a été vendu à 250 000 exemplaires. Le visage sérieux du prélat s'éclaire à ce souvenir. Je n'ai jamais mieux senti qu'en regardant ce sourire quelle différence sépare la pauvre gloriole de l'auteur professionnel, en train de compter ses 1000 par vanité ou par lucre, et la joie virile de l'écrivain de foi qui mesure par le succès d'un livre le succès rendu à de fortes convictions.